Aïssatou, qui a été sa confidente, qui est encore sa confidente. Elles ont grandi ensemble, mûri ensemble et subi des sorts différents, certes, mais des sorts qui les ont menées l'une à l'autre à la désagrégation de leur foyer. La lecture du texte de Mariam Abba est pour moi ma première véritable incursion dans l'intimité de femme africaine. Aïssatou, j'ai reçu ton mot. En guise de réponse, j'ouvre ce cahier, point d'appui de mon désarroi. Notre longue pratique m'a enseigné que la confidence noie la douleur. Et là aussi, c'est vraiment le vécu de bon nombre de femmes africaines. Ton existence dans ma vie n'est point un hasard. Nos grands-mères, dont les concessions étaient séparées par une tapade, échangeaient journellement des messages. Nos mères se disputaient la garde de nos oncles et tantes. Nous, nous avons usé nos pagnes et sandales sur le même chemin caillouteux de l'école coranique. Nous avons enfoui dans les mêmes trous nos dents de lait en implorant fées souris de nous les restituer plus belles. Si les rêves meurent en traversant les ans et les réalités, je garde intact mes souvenirs, celles de ma mémoire. Je t'invoque. Le passé renaît avec son cortège d'émotions. Je ferme les yeux. Flux et reflux de sensations, chaleur et éblouissement, les feux de bois, délices dans notre bouche gourmande, la mangue verte, pimentée, mordue à tour de rôle. Je ferme les yeux. Flux et reflux d'images, visage ocre de ta mère, constellé de gouttelettes de sueur, à la sortie des cuisines, procession jacassante des filles trempées, revenant des fontaines. Le même parcours nous a conduites de l'adolescence à la maturité, où le passé féconde le présent. Amis, amis, amis, je t'appelle trois fois. Hier, tu as divorcé. Aujourd'hui, je suis veuve. Une si longue lettre. Mariam Abba, 1979. C'est en lisant Mariam Abba que je commence à me demander quelle existence ma mère a bien pu avoir. Je sais alors très peu de choses de mes origines. Je sais très peu de choses de ma mère. Je sais très peu de choses des femmes africaines et de leurs expériences de vie. C'est en lisant Mariam Abba que je deviens africaine. Moi qui ai grandi sans ma mère à mes côtés, éduquée par ses deux fils, je me sens pour la première fois proche de cette femme qui m'a mise au monde, que je n'ai jamais revue depuis mon départ du Cameroun, 15 ans plus tôt. Nous diffuserons ce soir le deuxième épisode de la série « Je suis noir et je n'aime pas Beyoncé ». Cette série comporte 4 épisodes que vous pouvez retrouver sur le site de France Culture. Nous vous les conseillons. Ce deuxième épisode a pour titre « Tu seras féministe, ma fille ». Qui sont aujourd'hui en Afrique et dans la diaspora, celles qui écrivent les nouvelles pages du féminisme sur le continent et qui militent publiquement. Bonne écoute. La place de la femme, c'est à la cuisine. Prêche africain, devenu viral sur les réseaux sociaux. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. La place de la femme, c'est à la cuisine. C'est, tu peux avoir tes diplômes, c'est bien. Mais en fait, ce sont les galères de ce pays qui t'amènent à travailler dans les normes des choses. Avec tes diplômes, ta place est à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place est à la cuisine. Et à chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre. Tu seras féministe, ma fille. Je me considère comme une féministe, mais surtout comme une féministe africaine. Traoré Bint Mariam, 28 ans, féministe africaine. Je vis à Dakar et je suis chargée de communication du projet Jeune Féministe d'Afrique de l'Ouest.

Ensuite, notre agenda. Les journées du matrimoine qui se tiendront à Bruxelles les 24, 25 et 26 septembre 2021. Les journées du matrimoine s'inscrivent en réponse à une thématique complexe qui est l'invisibilisation des femmes à travers l'histoire et l'espace public urbain. Les journées du matrimoine célèbrent l'héritage historique dans différents domaines, architectural, sculptural, urbanistique et social, en repartant sur les traces des femmes et personnes minorisées de notre passé. C'est aussi l'occasion de découvrir le matrimoine contemporain, artistique, politique et féministe, des femmes et personnes minorisées qui œuvrent à construire une ville juste. Au-delà de la découverte du matrimoine bruxellois, 5 figures féministes seront mises à l'honneur et différentes thématiques seront transversalement soulevées lors des ateliers et visites menées par des expertes, comme l'accès à la propriété et aux professions pour les femmes, les luttes intersectionnelles ou encore les traces coloniales dans la ville. Et puis, nous allons en parler certainement encore dans les jours et semaines qui viennent. La coordination des sans-papiers de Belgique, Sans Papiers TV et leur soutien, organise le dimanche 3 octobre à 14h à la Gare du Nord une manifestation nationale We Are Belgium Too. Elle invite alors tous les citoyens et citoyennes, enfants, jeunes et vieux, les démocrates, les communes hospitalières, les associations, les syndicats, les mouvements et les militants et militantes des partis politiques à venir donner de leur voix à cette manifestation pour demander la mise en place d'une commission nationale de régularisation. Voir l'appel sur le site de wearebelgium2.be. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.